boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Et comme promis il y a quelques semaines lors d'un Pop and Rock précédent, nous allons consacrer pour ce Pop and Rock spécial été notre heure à Bernard Werber, ou plutôt à la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu. Mais pour l'instant, musique. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now step those shoes, we'll go roaming in the night. But how are things on the West Coast? Hearts Interpol vient d'introduire trois phases. La trajectoire d'évolution de toutes les âmes se déroule en trois phases. 1. La peur. 2. Le questionnement. 3. L'amour. Et toutes les histoires ne font que raconter ces trois étapes de l'éveil. Elles peuvent se dérouler en une vie, en plusieurs réincarnations, ou en un jour, une heure, une minute. Come set me free. See, where's my liberty? I remember it clear. Now it all seems to disappear. Up to the point where I disagree with the other man. The other man in me. My ships got wrecked due to all the poor decisions I collect. See, it's a well-known fact. It's a rotten pact sealed on the seventh floor. So when's my counteract? Comes out slowly now. Speed it up in time till it caught me. It has come between me and my reality. Yeah, it has come between me and my referee. See where we stand, the high or the low end. It feels like quicksand. Comes out slowly now. Speeding up in town till it caught me. vous êtes toujours bien dans Pop and Rock et après avoir écouté notre ami J. Bernhardt, voici qu'arrive un dénommé Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, 1588-1679, est un scientifique et écrivain anglais. Il puise dans la science du corps humain de quoi fonder une science politique, notamment dans sa trilogie des CV, du citoyen, des corporés, du corps, des hominés, de l'homme, puis son œuvre majeure, Léviathan. Il considère que l'animal vit dans le présent, alors que l'homme veut se rendre maître du futur pour rester en vie le plus longtemps possible. Pour cela, il tente à s'accorder à lui-même la plus haute importance possible et à diminuer de gré ou de force celle des autres. Dès lors, il accumule du pouvoir, richesse, réputation, amis, subordonnés, et essaye de voler du temps et des moyens aux autres hommes de son entourage. Thomas Hobbes lance notamment la fameuse formule « l'homme est un loup pour l'homme ». En toute logique, l'animal humain fuit l'égalité avec les autres, entraînant ainsi la violence et la guerre. Selon Hobbes, la seule possibilité d'empêcher l'homme de désirer prendre le dessus sur les autres est de le forcer à la coopération. Il est donc nécessaire, selon lui, qu'il y ait une puissance hégémonique née d'un contrat entre les hommes qui impose à l'animal humain de ne pas se laisser aller à ses penchants naturels de destruction de ses congénères. L'hégémon devra avoir des droits très étendus pour empêcher tous les conflits de se développer. Pour Hobbes, le paradoxe est le suivant. L'anarchie entraîne la réduction de la liberté, avantageant le plus fort. Seul un pouvoir coercitif centralisé peut permettre à l'homme d'être libre. Encore faut-il que ce pouvoir soit détenu par un hégémon souhaitant le bien-être de ses sujets et ayant dépassé son égoïsme personnel. Encore faut-il que ce pouvoir soit détenu par un hégémon souhaitant le bien-être de ses sujets et ayant dépassé son égoïsme personnel. Yeah. après, hops, étudions le mouvement anarchiste. Le mot anarchisme vient du grec « anarchia », qui pourrait se traduire par « absence de commandement ». Le premier inspirateur du mouvement politique anarchiste fut le français Pierre-Joseph Proudhon. Dès 1840, dans son ouvrage « Qu'est-ce que la propriété ?», il propose un contrat entre les hommes pour ne plus avoir besoin de chef. Il refuse les solutions autoritaires des communistes, ce qui lui vaut l'hostilité de Karl Marx. Le russe Bakounine pense, lui, que le passage à cette forme plus évoluée de société se fera par la violence. Après une phase guerrière, attentat contre l'empereur Guillaume Ier en Allemagne, contre l'impératrice Elisabeth Sisi en Autriche, contre Alphonse XIII en Espagne, contre le président McKinley aux États-Unis, contre le roi Umberto Ier en Italie et contre le tsar Alexandre II en Russie, les anarchistes s'organiseront en véritable force politique. Le drapeau noir devient leur emblème. Les anarchistes joueront un rôle déterminant lors de la Commune de Paris en 1871. Lors de la Révolution russe de 1917, les communistes en massacreront beaucoup, mais aussi lors de la guerre civile espagnole de 1936. On compte quelques tentatives de cités anarchistes en Amérique latine, notamment au Brésil, colonie Cecilia en 1891, au Paraguay, coopérative Cosme en 1896, au Mexique, République socialiste de Basse-Californie en 1911. En Italie, les résistants créeront une république anarchiste près de Carrare durant la guerre de 39-45. La plupart de ces mouvements ont été réprimés et dissous. Two tabs on your tongue. I heard the shepherds, I heard the sheep sleep. Now my only one. Broken sweethearts, who sleep apart. Most of mine, the other side spines, who sleeps out. Suppose now shush, she makes a sound, the sound that she makes to calm me down. So slow, you're so thin. As I begin rubbing others out, your state washes on my skin. And gold. Well, it's been got to live one, two, three, four. Suppose now shush, she makes the sound she makes to calm me down. She makes the sound she makes. I'm tired. Oh, La menthe religieuse, parmi les expériences qui prouvent que l'observation modifie ce qui l'observe au point de truquer complètement l'information, signalons le cas de la menthe religieuse. On a toujours cru que la menthe religieuse dévorait son compagnon après l'acte sexuel. Ce cannibalisme sexuel a alimenté les fantasmes des savants et du coup toute une mythologie scientifique puis psychanalytique. Pourtant, il y a là une erreur d'interprétation. Car si la menthe religieuse mange son compagnon, c'est qu'elle n'est pas dans des conditions naturelles. Après l'acte, elle a très faim et elle dévore tout ce qui est comestible autour d'elle. Dans la petite cage de verre d'observation, le mâle est coincé. La femelle, ayant besoin de récupérer des protéines après la fatigue de l'acte sexuel, prend ce qu'elle trouve. Le mâle, plus petit et incapable de fuir au-delà de la prison de verre de l'aquarium, s'avère le seul gibier accessible. Elle le déguste donc sans même y penser. Dans la nature, l'acte accompli, le mâle se dégage et la femelle se nourrit de n'importe quel autre insecte qui traîne à sa portée. Quant au mâle, sauvé par sa fuite, il va se reposer le plus loin possible de son ex-conquête pour être tranquille. Le fait d'avoir faim après l'acte sexuel pour la femelle et d'avoir envie de dormir pour le mâle sont des points communs à beaucoup d'espèces animales. Down the ocean, watch the waves play their game. May tomorrow come. May tomorrow come. Going home down the ocean, watch the votre jeunesse, peut-être avez-vous joué aux Lemmings, mais savez-vous vraiment ce que sont ces Lemmings ? Longtemps, les scientifiques se sont demandé pourquoi les Lemmings se suicidaient collectivement. Voir tout un groupe de ces petits animaux, en file, s'élancer volontairement du haut d'une falaise dans le vide est un mystère de la nature. Dans un premier temps, les biologistes ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un comportement d'autorégulation démographique. Les Lemmings se suicideraient en groupe lorsqu'ils se considèrent comme trop nombreux. Une nouvelle théorie est venue enrichir l'éventail des hypothèses. Elle évoque le fait que les Lemmings, lorsqu'ils sont en excédent de population, auraient pris l'habitude de migrer. Or, la séparation des continents a entraîné l'apparition d'une falaise entre deux zones jadis soudées. Après des siècles, les Lemmings n'auraient toujours pas modifié leur carte de migration et voudraient poursuivre leur route au-delà de la falaise, quoi qu'il leur en coûte. Step, you'll be stepping aboard. Vous êtes bien toujours dans Pop and Rock en bonne compagnie puisque Bernard Werber nous illustre notre émission avec sa nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu, Hertz. Notre cerveau a quatre rythmes d'activité qui peuvent être mesurés par un électroencéphalogramme. Chaque rythme correspond à un type d'onde. Les ondes bêta, elles vont de 14 à 26 Hertz. Elles correspondent à l'état d'éveil. En onde bêta, notre cerveau fonctionne à plein régime. Plus nous sommes excités, énervés, préoccupés, en réflexion intense, plus nous montons dans le nombre de cycles secondes. Les ondes alpha, de 8 à 14 Hz. Elles correspondent à un état plus reposé, mais conscient. Dès qu'on ferme les yeux, dès qu'on est assis dans une position confortable, dès qu'on est allongé sur un lit, notre cerveau ralentit pour se mettre en onde alpha. Les ondes theta, de 4 à 8 Hz. Elles correspondent à un état de sommeil léger. C'est la petite sieste, mais c'est aussi l'état du sommeil hypnotique. Les ondes delta, moins de 4 Hz. Cela correspond à un état de sommeil profond. Dans cette phase, seules les fonctions vitales sont assurées par le cerveau. Nous nous approchons de la mort physique et paradoxalement, c'est dans cet état que nous accédons aux couches les plus profondes de notre inconscient. C'est la longueur d'onde du sommeil paradoxal, là où surgissent les rêves les plus incompréhensibles, alors que notre organisme se ressource vraiment. Il était intéressant de noter que lorsque notre cerveau se stabilise à 8 Hz, donc en onde alpha, ces deux hémisphères arrivent à fonctionner ensemble, en harmonie, alors qu'en rythme bêta, un hémisphère prend le dessus sur l'autre. Soit le cerveau gauche, analytique, pour résoudre un problème de logique, soit le cerveau droit, intuitif, pour créer ou trouver une idée. Quand notre cerveau est en suractivité lors de sa phase bêta, tout comme un radiateur, il se met automatiquement de temps en temps au repos en phase alpha. On considère que toutes les 10 secondes environ, notre cycle cérébral chute pendant quelques microsecondes pour se placer en onde alpha. Si nous parvenons consciemment à nous mettre en phase d'onde alpha, notre mental est en veilleuse et interfère moins avec nos ressentis. Nous devenons donc plus à l'écoute de nos intuitions. À 8 Hz, nous sommes en équilibre parfait, éveillés et pourtant calmes. Nowhere to go. monothéisme. On considère souvent qu'il n'existe de choix qu'entre le polythéisme, la croyance en plusieurs dieux, et le monothéisme, la croyance en un dieu unique. Une troisième démarche théologique est pourtant possible, bien moins connue, l'énothéisme. L'énothéisme ne nie pas l'existence de plusieurs dieux, mais propose aux humains de ne s'attacher qu'à un seul d'entre eux. Dans la démarche énothéiste, il n'y a pas l'idée que ce seul dieu soit supérieur ou meilleur que les autres, mais celle que ce dieu a été choisi par ses croyants parmi tous les dieux existants. L'énothéisme admet implicitement que chaque peuple choisisse son dieu parmi le panthéon des dieux, que chaque peuple puisse donc avoir un dieu différent sans qu'aucun d'eux ait une suprématie sur les autres. Pour ma part, c'est la musique. Retrouvez Pop and Rock au 104.6 sur RVR. Sphinx. Son nom signifie en grec « l'étrangleuse ». On retrouve des sphinx gardiens des seuils interdits chez les Égyptiens. Pour ces derniers, ils possèdent un corps de lion et une tête de femme. En général, leurs visages sont peints en rouge et contemplent le point où le soleil apparaît à l'horizon. Ils sont considérés comme écoutant les planètes et détenant le secret des énigmes de l'univers. En Égypte, dès qu'on a franchi un seuil gardé par le sphinx, tous les tabous et les interdits tombent. En Grèce, le sphinx est considéré comme un monstre féminin pervers. Il est doté d'ailes d'aigle, mais celles-ci sont trop petites pour lui permettre de voler. Il présente une poitrine opulente. La légende veut qu'un sphinx ait ravagé Thèbes en posant des énigmes aux passants et dévoré ceux qui étaient incapables de lui répondre. L'énigme était « Qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois pattes le soir ?» La réponse trouvée par Oedipe était l'homme. En effet, l'homme enfant avance à quatre pattes, adulte sur deux, et devenu vieux, il cède d'une troisième jambe, sa canne. Le sphinx symbolise l'énigme que l'humanité, selon son niveau d'évolution, doit résoudre. En posant la question, ce monstre fait comprendre les limites de l'intellect à son destinataire. Et si cette prise de conscience ne se fait pas, la sanction est la mort. Love you. cyclopes. Leur nom signifie « ceux dont l'œil est entouré d'un cercle ». Selon la mythologie grecque, ils étaient trois dont les noms sont liés au pouvoir de Zeus. Stéropès, l'éclair, Argès, la lueur, Brontès, le tonnerre. Ils ont œuvré aux côtés d'Héphaïstos pour confectionner les armes magiques et ont ensuite combattu avec Zeus durant la guerre contre les titans. Il semble que les cyclopes soient à l'origine une corporation de forgerons du bronze de l'Hellade primitive. On leur tatouait un cercle sur le front en l'honneur du soleil, source indirecte de l'énergie de leur fourneau. Les Thraces, par la suite, continuèrent de se tatouer pareillement un cercle sur le front en espérant que cela leur donnerait la maîtrise des métaux. Le 184e Pop'n'Rock, consacré à la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu, se termine. On se retrouve semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous.